Parlons Gabriel Nadeau-Dubois. Oui. En exclusivité, on a un audio, gracieuseté d'un ami qui était là. Et vraiment, il y avait des choses à dire, mais beaucoup de verbiage en même temps. Il est là pour vendre un livre, faut pas se faire de cachette. Oui. La professeure a dit, attendez à la fin, là, si vous voulez faire autographier votre copie de livre. Bon. Donc, plusieurs choses. Lui, il était au Cégep Limoilou dans une conférence. Hier, mais la lecture de son livre était obligatoire, OK, pour les élèves de ce cours-là. Et la présence des élèves était aussi obligatoire à sa conférence d'hier sur le livre. Et après, il y a un travail à remettre. Tu sais, juste te mettre dans le contexte. Obligatoire. Les étudiants qui étaient là, parce qu'il y en avait beaucoup, ils étaient obligés d'être là. Exact. Ils écoutaient le discours de Gabriel Nadeau-Dubois. Il a séparé ça en deux parties, son discours. Moi, je me suis tapé ça au complet matin. J'avais mal à la tête, là, après une heure et quart de merci. GNB. Un gros merci, hein. Ouais, je vais le prendre, celle-là. Je te dois quoi, là? Ah, rien, ça me fait plaisir. Alors, Jean-Claude, mesdames, messieurs, qui s'est tapé au complet, ça a duré une heure et demie quasiment. Ouais, une heure et vingt. Ouais. La conférence de Gabriel Nadeau-Dubois. Beaucoup d'autocongratulations, il s'aime beaucoup, hein? Là, il a parlé beaucoup des... En partant, là, avant d'établir ces trois affaires, ces trois sujets, ben, il a parlé beaucoup de médias. On sent qu'il l'a eu sur le cœur, là, la couverture médiatique de son... Mais en même temps, il s'attendait à quoi, là, tu sais? On va peut-être commencer tout de suite avec un extrait sans perdre de temps, où il parle du traitement que les médias ont donné au mouvement étudiant de 2012. Alors, de manière très large, ce que les chiffres objectifs montrent, c'est le consensus de la presse d'opinion à l'entour des étudiants. Et donc, pendant qu'on a méprisé ces gens-là, qu'on les a souvent ridiculisés, souvent littéralement insultés, en les traitant de bébés gantés, en les traitant d'enfants rois, en les traitant parfois même de terroristes, ben, on n'a pas beaucoup écouté, je trouve, ce que nous avions à dire quand nous étions dans la rue. Et non seulement on les a ridiculisés dans les médias, mais dans la rue, on est en train aussi d'oublier ce qui s'est passé, c'est-à-dire une vague de répression policière. Et donc, pendant qu'il se passait ça, pendant qu'il y avait une brutalité policière, mais aussi, tu pourrais dire, une certaine forme de brutalité médiatique, on n'a pas beaucoup écouté, comme je disais, ce que les gens ont à dire. Et on a couvert un peu dans les médias la grève comme un fait divers, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on l'abordait dans les téléjournaux. Comme, est-ce qu'il y a eu des manifs? Si oui, jusqu'à quel point est-ce que c'était spectaculaire, les affrontements? Mais on l'a très peu couvert comme un enjeu politique, comme un enjeu social. On ne les a pas écoutés. Donc, il est en train de laver le cerveau des collégiens et pas à peu près, là. Il y a eu des ponts bloqués, des routes de bloqués, des commerçants emmerdés, des citoyens emmerdés, et du saccage et du dommage. Lui, il tasse ça complètement. Et des affrontements avec les policiers, et de la violence. Les affrontements avec des policiers, ça, c'est la brutalité policière. Et il utilise même le terme brutalité médiatique. Exact. C'est grotesque. C'est grotesque. Et là, il dit, on n'en a pas parlé beaucoup du message. Discours. Du message, on en a énormément parlé. Là, regarde, RDI était là-dessus à temps plein avec l'animatrice du soir. Il y a eu un gros débat de société quand même. Mais tout le volet intimidation et tout le volet saccage, grabuge et des citoyens pris en otage, là, zéro. Et c'est sûr que la violence... a obsculté complètement le message. Il faut être conscient de ça, les amis. Si vous dites, hey, moi, je veux plus de pain, mais que vous pétez deux fenêtres en le disant, votre message passera pas. Là. T'sais, ça a été ça. Là, ça a été ça. Pourquoi on l'a traité comme un fait divers? Il dit ça à la fin, on a traité ça comme un fait divers. Ben, c'est parce que ça en était un. Il y avait de l'explosion puis du feu. Donc, c'est ça. Enregistré par le téléphone d'un étudiant, parce que la consigne, c'était vous n'enregistrez pas. Donc, c'est sûr que ça sonne pas comme un système de son bon. Oui. Mais l'étudiant a été assez dégourdi pour nous livrer ça, puis on le remercie. Exact. On continue. Le deuxième extrait. Il faut quand même réaliser tout d'abord qu'il y a quelque chose de très contradictoire dans le fait que certains chroniqueurs, certains éditorialistes nous aient reproché ça. Il y a quelque chose de très contradictoire parce que c'est ce que font dans les médias les chroniqueurs à temps plein. Critiquer le gouvernement sur les décisions qu'il prend. Il y a quelque chose de très contradictoire dans le fait que des gens qui ont accès à une tribune médiatique immense, qui sont écoutés tous les jours par des millions de personnes, reprochent à des gens qui, eux, ont pratiquement pas de voix pour se faire entendre, qui leur reprochent donc d'aller dans la rue de manifester. Et si ces gens-là étaient cohérents avec leur propre vision de la démocratie, ils arrêteraient d'écrire des éditoriaux, ils arrêteraient de faire de la pression médiatique et politique sur les gouvernements. C'est une vision tronquée de la réalité. Encore une fois, je me souviens pas d'avoir lu un chroniqueur s'objecter au fait qu'on puisse exprimer une désapprobation d'une décision politique. On dénonçait la violence et l'intimidation. Le fait que des étudiants aient été empêchés d'étudier, ça, à aucun moment, GND n'en parle. Non. Mais lui, il dit, nous autres, puis Martineau, puis Morin, on fait la même affaire, là, on dénonce le gouvernement. Ouais, la différence, c'est que Morin, lui, il pète pas des pneus en sortant du studio. Puis Martineau a été intimidé. Ouais, puis il va pas non plus pogner des étudiants au collège et ramasser dans les cases, là. Morin parle, donne son opinion, ferme le micro. Tu sais, il n'y a pas de comparaison, là. Il va pas, en tout cas, à moins que je me trompe, t'as jamais cassé de vite, là, non. En sortant d'ici, puis t'es jamais non plus allé lancer de la peinture sur le Parlement. Puis Martineau a été victime d'intimidation. Aussi. Chez lui. Donc, ben ça, il n'en parle pas. Donc, une vision tronquée de la réalité. Là, on tasse les médias. L'intro, c'était ça, là. C'était 20 minutes de médias, là. Après ça, il a tombé dans ses sujets. Donc, il nous parle de démocratie. Il parle de démocratie qu'ils ont essayé d'élever au Québec. Donc, même dans une conception classique de la démocratie libérale, il y a, chez le gouvernement, une responsabilité de consulter les gens qui vont être touchés par les décisions qu'ils prennent. De consulter donc les syndicats, les groupes communautaires, les groupes populaires, les groupes étudiants, etc. Donc, on consultait pas assez. Il faut consulter les syndicats, les groupes populaires, les groupes communautaires, les étudiants, etc. Qui manque? Contribuables. Ah. Mais ça, on les consulte pas, ça, c'est moins important, j'imagine. Ils ont pas, ils font partie font partie du etc. C'est ça? C'est ça. Okay. Si on a le temps, on va consulter les... C'est parce que les études, là, quand vous les payez pas, quelqu'un d'autre qui les paye, hein? C'est ça? Beaucoup de parents. Et le système de prêts et bourses, soutenu par les contribuables. Les études bon marché à l'université, c'est pas mal soutenu par les contribuables. Que dire de la dette, sa vision de la dette? Évidemment, c'est un gauchiste, là. Vous serez pas surpris de constater sa vision. Il y a tout un discours très alarmiste qui se contente souvent de généralités, mais qui répète un peu frénétiquement. On est dans le rouge, on est dans le rouge, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, t'as arrêté là. Tu fais... Il y a comme une espèce d'enflure médiatique où certaines personnes vont répéter ça presque de manière compulsive, en disant « on n'a pas le choix, on va faire des sacrifices pour s'arrêter là ». Souvent, la première affaire dans ce débat-là qui me semble important de faire, c'est de se calmer un petit peu, puis regarder quel est l'état de nos finances publiques, quel est l'état de notre dette. Bon. Quand on calcule la dette, il faut enlever évidemment les actifs. Parce que si vous vous endettez pour acheter un téléphone cellulaire ou pour acheter une maison, c'est pas la même chose. Puis au Québec, oui, on a... C'est vrai qu'on a objectivement une grande dette, mais on a aussi des actifs qui ont une valeur incommensurable. Je pense, en premier lieu, évidemment, à Hydro-Québec. Écoutez, j'ai pas les chiffres avec moi parce que c'est... J'ai pas les chiffres. Mais on a des actifs, notamment du côté d'Hydro-Québec, qui valent également des dizaines et des dizaines de milliards de dollars. Regarde, le gars a zéro nation en économie. Puis il donne son CV au début de la conférence. Je suis en train de finir mon cours en philo, à l'UQAM. En sociaux. Donc, il omet de parler du haut niveau de taxation au Québec et surtout de la situation de la classe moyenne, endettée, étouffée, puis la piètre qualité des services. Ouais, mais Hydro. Si on vend Hydro, demain, on n'a plus de dette. Encore une fois, vision tronquée de la réalité. On vend Hydro, pouf! Ah oui? C'est la magie selon GND. 11h35, vous êtes dans Morin Live. Morin Live.